Voilà, le linge sale est ici. Je le lave à la main ou à la machine? Ça dépend. Le pull en laine, vous le lavez à la main et vous l'étendez à plat. La veste en coton, vous la lavez en machine à 30 degrés et les draps, vous les lavez à 60 degrés. Et cette chemise qui est sur un cintre, je la repasse? Oui, vous la repassez, vous la pliez et vous la rangez dans le placard. Merci.